Lorsqu'on s'amuse, le temps passe vite. On est déjà rendu à notre bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et bon, je suis très heureux de pouvoir partager la musique de l'Ouest canadien parce qu'il se fait de bien belles choses de ce côté-là. J'ai reçu cette semaine, un message Facebook de René Lamoureux, une chanteuse folk rock de Winnipeg. Bon, elle a quand même une belle carrière en anglais, mais elle essaie d'écrire en français aussi, qui est sa langue maternelle. Elle est d'origine française, mais bon, elle fait surtout carrière en anglais, mais elle essaie de plus en plus d'écrire en français. Et elle m'a fait un petit coucou pour me dire qu'elle travaille sur une chanson en français qu'elle devrait m'envoyer très, très, très bientôt. Donc, je suis bien content de cette nouvelle-là. Et je vais vous partager la pièce francophone que j'ai. J'en ai deux. Celle que j'aime le plus, c'est « Je vise le ciel ». J'adore René Lamoureux parce qu'elle se trouve qu'elle a un bel accent, un beau ton de voix. Et c'est assez énergique ce qu'elle fait. Donc, c'est très intéressant, vous allez voir. « Je vise le ciel ». Autre artiste, auteur-compositrice, interprète de la région de Winnipeg, elle devrait commencer à travailler sur un nouvel album très, très bientôt. Elle a fait une reprise d'un classique de la musique country et elle a une petite touche country folk dans cette version-là. Je parle bien sûr de « Mille après mille » de la charmante Jocelyne Baribeault. Vous allez voir, c'est de toute beauté, cette belle reprise-là. Mais pour l'instant, voici René Lamoureux, « Je vise le ciel ». Je n'ai plus de peur. Je les ai laissés ailleurs. Et là, je n'ai plus de doute. Je continue ma route. On m'a dit que ce ne serait pas facile de recommencer, repartir à zéro. Mais moi je rêve en couleur. Je vise le ciel qui l'a. est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Si je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Et je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin et qu'au fond de moi, j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Oh, mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Oh, jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Je sais qu'elle écoute via Envol 91, mais je vais le dire quand même, à chaque fois que j'entends ce timbre de voix-là, cette belle voix-là, je tombe amoureux. Écoutez, Jocelyne Baribeau, très belle voix, une très bonne auteure-compositrice-interprète, et j'espère très très bientôt qu'elle se mettra au travail pour nous offrir un deuxième album francophone de musique grand public. Donc, on la connaît ça, aussi sous le nom de Madame Diva, mais Jocelyne Baribeau, c'est aussi une chanteuse country de grand talent du côté de Winnipeg. Toujours de Winnipeg, la semaine passée, je vous ai fait entendre la nouveauté de Rihanna. Eh bien, j'ai pu voir en post sur sa page Facebook cette semaine que la chanson « En attendant demain » c'est la chanson soquante de la semaine, donc bravo à Rihanna, et c'est vraiment intéressant. Elle travaille tranquillement, pas vite, sur un album, pièce par pièce, et elle nous a offert cette pièce-là qui est vraiment magnifique. Donc Rihanna, en attendant demain, on va entendre ça Par la suite, on va entendre tout simplement « Road Trip à l'aurore » d'un autre auteur, compositrice, interprète de grand talent, Audrey de Whistler, en Colombie-Britannique. Des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée. Déjà tout donné. se péter la gueule, à tomber en amour seul. Au volant de ton camion, tu nous mènes sur la route de l'incertitude. Passagère, je te caresse doucement la nuque, mais soudain je sens que tu te dénudes. Toi et moi dans la nuit qui s'achève, j'ai senti que la lune serait brève, mais notre amour est une fugue. De prendre le risque d'avoir déjà tout donné, le risque de se péter la gueule, à tomber en amour seul. Tourner la tête, tu me caresses la nuque doucement. On dirait que la rouille, y a mon cœur qui s'arrête. Mais notre amour est une fugue sur la réalité, de prendre le risque d'avoir. Road trip in the dark. Road trip in the dark. Road trip à l'aurore. Road trip à l'aurore. Audrey, elle aussi, une auteure, compositrice, interprète. Qui travaille sur les deux paliers, soit anglophone et francophone. Et de son album « Be My Home », cette pièce-là, « Road Trip à l'aurore » est sortie. Et c'est vraiment intéressant. Elle est native de Sorel-Tracy au Québec, mais elle s'est retrouvée à Vancouver, puis par la suite à Whistler, en Colombie-Britannique, où ce qu'elle est enseignante d'art, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles. Elle fait de la chanson, elle fait de la peinture, elle fait, je pense, aussi un peu de danse. Donc, c'est une femme très talentueuse et j'adore ce qu'elle fait comme musique francophone. On a le temps d'une dernière pièce c'est drôle, ben, c'est comme ça depuis la création du pays. Plusieurs personnes de l'Est du Québec se retrouvent dans l'Ouest. C'est la même chose pour Sophie Villeneuve, qui, elle, je pense, est originaire de Latuc. Et elle a gagné Pacific en chanson. Elle a gagné, au fait, bonne présence, je pense, au Chant d'Ouest. Et elle nous a sorti un album, là, peut-être quelques... Je pense que c'est à l'automne, il me semble que j'ai reçu cet album-là. Ça s'appelle « Le Chant du Hibou ». Et sur cet album-là, il y a de très belles chansons francophones. Et celle que je vais vous proposer, c'est tout simplement la pièce « Il est temps de partir ». Et vous allez voir, c'est une belle énergie assez spéciale. C'est une auteure-compositrice interprète un peu différent, un peu plus festive, un peu. Mais c'est quand même assez intéressant ce qu'elle fait comme produit. Et je suis bien content de la faire tourner et j'espère que j'aurai la chance un jour de la rencontrer et de lui jaser, de lui dire comment j'apprécie son univers. Parlant de son univers, on va l'écouter. Voici Sophie Villeneuve. Il est temps de partir.

Aussi, si vous allez sur ma page Facebook de CanRock, vous avez le lien pour écouter l'émission de cette semaine en streaming, bien entendu. On est rendu là. On va partir le thème de l'émission, si vous voulez bien. Voilà, c'est parti. Ça veut dire qu'il me reste à peine 20 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux. C'est important. Ils ont besoin de votre support. Et vous risquez d'être séduit. Ça, c'est garanti. Sur ça, eh bien, la seule chose qu'il me reste à dire, c'est bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de CanRock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye-bye!